18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Salut, salut, bienvenue sur notre émission Convergence sur Croc Radio. On espère que vous êtes bien tous en forme. On va du coup faire notre dernière de l'année. Donc pour cette dernière, on sera avec toute l'équipe pour un special dance et une émission avec full fun et full plaisir. Donc on sera entouré de notre cher Yoz, notre petit Joe National, le petit Sylvain, Davidou. Yes, bienvenue à tous. C'est ça, Lisa la petite nouvelle, très timide mais qui est quand même dans le coin. Alex aussi qui est avec nous et la team qui va nous rejoindre. Donc on va enchaîner sur, comme vous connaissez, donc notre petite partie mix, donc avec toute l'équipe pour cette dernière. Et puis à la fin on fera l'agenda et on viendra un peu aussi nous parler de nos prochains projets et aussi également des cheers de tout le monde, des cœurs et de la bonne humeur et des grands sourires pour ce magnifique temps qu'on a d'ailleurs. C'est un miracle vu la pluie qu'on s'est prise sur la tête pour venir jusqu'ici. Et donc sur ce, on va vous envoyer notre petite playlist avec tous nos gentils petits DJ tout de suite. À tout à l'heure. Convergence. Culture et musique électro-underground. We'll be right back. Thank you.

Cause I'm here, I wanna hear that. Brand new news, brand new news. Alors désolé, on vous a pas tenu au courant, mais au final non, on vient d'avoir. Ah, alors on s'excuse pas. Mais on vient d'avoir une petite dernière nouvelle, donc on va continuer. Au lieu de finir comme d'habitude à 19h, on va continuer jusqu'à 20h44. Donc encore une petite heure encore de mix de la team. Et donc on espère que vous allez bien vous amuser again. À toutes. À tout. Bisous. House. Thank you.

18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. On n'aura pas fait, comme on avait dit, jusqu'à 20h44. Peut-être qu'on s'est un peu trompé sur les horaires. Bon, sinon, à savoir, c'est vrai que. C'est pas évident de tenir la programmation. Hein. Évidemment, évidemment. C'est vrai qu'en général, on est toujours un peu sur le dernier moment, quoi. Un peu sur le last time. On espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment. Pour notre part, ça a été. Nice. Yes. Oui, nice. Du coup, tu veux nous faire un petit agenda? Comment ça se passe? C'est ça. Du coup, on va enchaîner sur l'agenda donc de ce qui va se passer donc ce soir et éventuellement peut-être demain. À voir. Donc ce soir, on aura la release party du nouveau disque de Quality Control. Ce sera de 18h à 1h au Paradox. Donc c'est sur la base d'un prix libre. À la base. Et donc, au programme, il y aura un atelier genre de Posca qui dessine des pochettes de vinyle, glitter make-up, jeux de société, et il y aura aussi du merch. Et après, de minuit à 7h, ils enchaînent et ils vont au terminal, du coup. Oui. Donc, au terminal, ça sera de minuit à 7h. Et ça sera le 3 rue Terme, 6901 à Lyon, donc dans le premier. J'ai oublié de dire que le paradoxe, d'ailleurs, c'est rue Sergent Blandan. Donc dans le premier. Info très importante. C'est ça, ouais. Quand sait-on jamais, sait-on jamais s'il y a des gens qui veulent savoir où sont les endroits. Et sinon, on aura. Enfin, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était aussi au niveau de la Croix-Rousse, donc l'édition du festival, ce qui était une fête gratuite pour tous. Et ça a commencé à 13h30, ça finit jusqu'à 1h. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est qu'actuellement, ça va être plutôt donc, du DJ time, parce que les animations, les jeux, les spectacles étaient plutôt pendant la journée. Donc, ce sera de 19h à 20h, vous avez Clartefact, Pop Roxo, et puis de 20h30 à 21h30, vous avez Fly Maloya, pardon, The Word, et puis de 21h45 à 23h, la Sève, donc c'est plutôt Afrobeat. Et comme ça c'est finit bon, à 1h, vous avez aussi de 23h à 1h du matin, DJ Koutoufla, pardon, Afro-Latino. J'ai la langue qui fourche un peu, excusez-moi. Très bien prononcé. Yeah, try my best. Et puis vous avez aussi DJ Ash, donc Fun Groove Reggae, et puis Ridley de Jay, donc R&B. Sinon, bah, comme vous le saviez, aujourd'hui on avait la Gay Pride. Donc, normalement, si vous y étiez pas, il y avait des chars, notamment au niveau de la ville, vers Belbercourt. Pardon. Et on avait notamment genre le Live Station, qui est un grand partenaire. Ouais, ils avaient un char. Voilà, c'est ça, exactement. Et qui vont continuer ce soir en faisant un événement à partir de 19h où ça sera du quiz spécial Gay Pride du collectif House of Bonner. Ça a l'air sympathique. Et 21h30, DJ set de DJ Canet aussi. Et puis il y aura aussi un dress code, donc c'est Pimp ta moustache. Donc si vous avez une moustache, préparez-vous bien. Toute la et soirée, qu'est-ce qu'on ça peut sera faire avec notre moustache? Avec coup, votre moustache. Je la personnalise, c'est cool l'idée. Avec votre moustache, vous avez le droit de vous déguiser, faire une soirée, d'être dans le mood. Ouais. Et puis aussi de partager un bon moment avec les gens qui sont autour de vous. À mon avis, c'est quand même une très bonne idée. Et donc, pour niveau de l'adresse, ça sera le 14 rue Bonal de Lyon 7. Et ça finira aux alentours de 1h du matin, à mon avis. Quelque chose comme ça. Mais je suis quasiment sûr que c'est 1h du matin. Je te fais bien confiance là-dessus. Cette chose. Alors après, on aura pour continuer donc le club joint au Groom. Donc comme vous savez, ils ont les clubs mais c'est ça, tous les mois, ils annoncent voilà, leur c'est programme. Ça, tous les... Exactement. Et donc pour ce soir, on aura donc Asco. Donc ce sera hip-hop, afro-house et bass music. Entrée gratuite toute la nuit et ce sera de 18h à 4h du matin. Et puis pour les gens qui voudraient plutôt profiter d'une petite soirée film entre famille, copains, parents, tout ça, on a une soirée qui est Bill Murray à l'Institut Lumière où ça sera donc à partir de 20h30 Ghostbusters et puis à partir de 23h15 Un Jour Sans Fin, 1h30 La Vie Aquatique. Qui n'a pas vu ses classiques, ouais. Exactement, et 4h Lost in Translation. Ouais, pour finir en beauté. Big one. Celui-là, c'est vraiment pour finir en beauté. Donc voilà le petit agenda. On espère que vous aurez passé un très très bon moment. Bien, je te remercie. Et voilà, c'est dommage, on n'a pas toute la team au micro, mais ouais, c'est la dernière de l'année et il y a vraiment tout le monde dans le studio. C'est ça, on a une petite pensée pour, pour tous ceux qui ont réouvré cette année pour faire vivre cette émission. On remercie tout le monde et merci aux auditeurs qui ont suivi en direct, en live, pour leurs commentaires et tout. Donc on est ravis, on a pris beaucoup de plaisir en tout cas tous ensemble. Ouais, et ça a été vraiment cool, on a eu vraiment... énormément d'artistes, on a eu vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé dans le monde de la musique, dans Lyon ou que ce soit un peu ailleurs. Ça a été un vrai plaisir, c'était une première pour nous. C'est vrai qu'au niveau des interviews, tout ça, on était peut-être pas réglé au début. Ça commence à être un peu mieux, mais ça a été un énorme plaisir et vraiment une énorme expérience. Et on espère que tout le monde sera avec nous pour l'année prochaine, ready dans les starting blocks. Et puis voilà, si quelqu'un d'autre a un mot à dire, c'est plutôt diffusé. Et puis pour l'émission d'après, on s'excuse, on a un peu débordé. Oui, bien sûr, on a un peu débordé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc écoutez, on vous dit à très bientôt. Passez de bonnes fêtes, bon week-end, bon été. Des bonnes vacances. La rentrée, c'est des ça. Des bons événements. Et la rentrée, et puis on va se terminer par un petit son... un peu plus excité, toujours dans la lignée de dans ce que vous a proposé. Dans la lignée d'émission électro, exactement. Gros bisous. Convergence. Culture et musique électro-underground.